Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et je serai un des deux animateurs habituels de cette merveilleuse émission, dois-je dire. Émission que j'aime animer, que j'ai beaucoup de plaisir à faire avec mon ami et collègue, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc! T'es tellement solennel le matin, là. On dirait que tu viens de te lever et que tu essaies de te réveiller un peu. Là, je sais que tu n'entends pas les applaudissements des gens. La semaine passée, tu m'as demandé des applaudissements. Donc, les auditeurs vont entendre des applaudissements pendant que tu parles là, parce que, je veux dire, tu voulais en avoir. Je t'en ai mis, donc. J'espère qu'au moins tu es debout devant ton micro, toi, tu sais. Ben non, je suis assis parce que mon micro est trop bas pour que je travaille. Ouais, mais c'est pas grave, pour un standing ovation, tu aurais pu faire un effort. Hein. OK, mais j'ai enlevé mon chapeau et ma casquette parce que... en haut dans le garde-robe. Et bien sûr, la main sur le cœur quand tu me présentes. Oui, oui, toujours. Toujours sur le cœur, jamais ailleurs, toujours sur le cœur. Donc, salut Marc. Salut Luc. J'espère que tu vas bien quand même. Je pense que oui, comme tu peux le voir. OK, c'est bon. Bonjour à nos auditeurs aussi. Merci encore une fois de nous avoir soit téléchargés, soit écoutés sur une des stations de radio, une des merveilleuses stations de radio qui prennent la peine de... nous diffuser à chaque semaine, soit Radio H2O ou sportradio.ca. On les remercie de prendre le temps de nous mettre en onde. Marc, nous sommes de retour pour une nouvelle émission et t'as essayé quelque chose d'assez intéressant. T'es allé à un événement pour une voiture que beaucoup de gens vont attendre. Très peu de gens vont pouvoir se la permettre, par exemple, mais beaucoup de gens l'attendent parce qu'une voiture quand même assez mythique. T'es allé au circuit du Mont-Tremblant pour essayer la nouvelle Honda Civic Type R. Oui, et c'est vraiment, je sais que j'ai fait des tonnes de jaloux, j'ai publié mon essai sur mon blog, là, puis depuis j'ai des commentaires, des questions, c'est incroyable. C'est un véhicule qu'on attend depuis longtemps. Il faut dire que le cycle actuel de révision de la Honda Civic dure depuis 2015. Okay. Ouais. En 2015, on nous a présenté la 10e génération de l'Honda Civic. On est arrivé d'abord avec la berline, la coupée, on est arrivé avec la version hatchback. Tu sais, on nous a étiré ça. On a sorti la SI il y a quelques semaines. Mm-hmm. Et là, on arrive enfin avec la Type R, qui est la plus puissante de toute la gamme. Ouais, on fait ça au compte-gouttes. Là, on veut faire durer le plaisir. Là. C'est ça. Et là, la Type R, ben, ça a, comment je pourrais dire, polarisé l'attention autour d'un véhicule un peu iconique. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule puissant, bien entendu. Mm-hmm. C'est un véhicule qui veut se comparer à rien de moins que la Golf R, la Focus RS ou la Subaru WRX STI. Mais qui profite d'une différence incroyable, c'est le fait que c'est une traction et pas une intégrale. Ouais, ce qui est peut-être qui va peut-être y faire un petit peu mal face à la Golf R, face à aux autres. Ben, tu vois, oui et non, parce que oui, bien sûr, au niveau des performances, c'est différent, mais non parce qu'au niveau du prix, tu sauves 5-6 000 piastres pour le même équipement. C'est sûr. C'est sûr. Il y a un élément qui est important là-dedans. On va commencer parce qu'il a surtout attiré l'attention dès le début, c'est le look de la Type R. C'est une voiture qui n'a rien de délicat et de discret. Hein, on s'entend, là. Non. Il y a un aileron en arrière qui pourrait servir de planche à repasser. Ouais. Tu peux faire un pique-nique pour la famille complète dessus, puis il n'y a pas de problème. Ouais, il y a de la place en masse. L'Impreza WRX STI ou la WRX STI n'a rien à envier la Civic. Non, côté totalement. Aileron, là, non. Et pas juste aileron. Si tu regardes la voiture de face, de côté, il y a vraiment des arêtes énormes. Il y a des trous un peu partout pour laisser passer l'air. Quand on la regarde, ça a quasiment l'air d'un Transformer, en fait. Oh oui, ouais, mais il y a même quelqu'un sur ta page Facebook qui a dit « ça se transforme en quoi? » C'est ça, exactement. Ouais. Mais on a posé la question et on s'est fait expliquer très en détail pourquoi la voiture a l'air de ça. Et c'est vraiment pour des raisons aérodynamiques. Ouais, ouais. Et on nous disait, écoutez, on n'est pas fou, on le sait que c'est un design dramatique, mais ce sont vraiment des considérations aérodynamiques et testées dans un tunnel avant. OK, c'est le tunnel avant de Honda, et ils ont été très transparents là-dessus aussi en nous disant, écoutez, chaque tunnel avant a ses particularités. Nous, on l'a testé dans le nôtre, on est arrivé avec certains résultats. Si vous allez dans une autre compagnie qui les teste dans leur propre tunnel avant, vous aurez peut-être d'autres résultats. Mais chez nous, c'est vraiment ça qui a été la clé. Ouais, mais faut dire aussi, tu sais, d'un autre côté, là, tout le monde disait que, c'est un peu drastique comme look, mais tout le monde disait à un moment donné, ah, tu sais, Honda, il n'y a pas d'inspiration dans leur design, c'est un peu plate, sont un peu, tu sais, pourquoi qu'ils sortent pas quelque chose d'un peu plus flyé? Puis là, ils font quelque chose de flyé, puis ils m'ont dit, ouais, mais là, c'est peut-être un peu trop flyé, c'est peut-être trop audacieux, mais là, c'est... Mais surtout qu'on arrive dans un monde, surtout qu'on arrive dans un monde de puristes, là. Les amateurs de Pocket Rocket, comme ça, c'est des gars qui aiment les affaires particulières, qui ont des opinions très tranchées. Ouais. Tu sais, sur Facebook, depuis hier, là, j'ai eu droit à toutes sortes de commentaires de tous les gens et de tous les styles. Ouais, positif, négatif, mais tu sais, faut se dire une chose, la nouvelle Civic se vend très bien, j'en vois beaucoup sur la route, donc le design ne doit pas choquer tant que ça, là. Non, puis tu sais, ça demeure la compacte la plus vendue au Canada, toute catégorie. Ça fait 19 ans qu'ils sont la compacte la plus vendue. Et on espère bien pouvoir fêter le 20e année facilement cette année. Ouais. Alors, tout ça pour dire que le design est particulier, mais tous les détails ont été pensés. Alors, par exemple, même l'entrée d'air en avant, la façon dont elle est faite, oui, elle sert bien sûr au turbo, mais elle sert aussi, en détournant l'air, à garder une meilleure prise au sol. Donc, un peu de downforce, là, un peu de d'aérodynamisme. Okay. Même chose à tous les niveaux. Il y a des conduits qui sont là pour refroidir les freins. Freins qui sont d'ailleurs, je dois te le dire, assez spectaculaires. C'est des freins Brembo à 4 étriers, à 4 pistons. C'est vraiment des freins très, très puissants. Okay. Nous, on l'a essayé, cette voiture-là, uniquement sur la piste. Je n'ai pas eu l'occasion de la conduire sur la route. Je l'ai essayé uniquement sur la piste. Et honnêtement, j'ai été très surpris. Bon, je te résume ma journée. Je suis dans une voiture avec un casque sans tête où j'ai l'air fou, mais je suis assis avec Philippe Letourneau. Mm-hmm. Philippe, c'est le gars qui fait Canada's Worst Driver. Oui, avec Carl, je pense. Non, pas avec Carl, la version anglaise. OK, OK, OK. OK. Et c'est lui qui est l'instructeur haute vitesse pour eux autres. Donc, c'est lui qui est mon instructeur pour la journée. Et là, on part et on va faire des tours. Le premier tour sur la piste de Mont-Tremblant, ça faisait longtemps que je n'avais pas conduit cette piste-là. J'ai été mollo. Ouais. Parce que je voulais me remémorer un peu ce que c'était. Mm-hmm. Par contre, le moteur 4 cylindres 2 litres turbo de la voiture et ses 306 chevaux est assez intéressant. Il est puissant. L'accélération est intéressante sans te faire exploser par en arrière, là. Elle est vraiment très bonne. La boîte de vitesse est spectaculaire. Et à la boîte de vitesse, on a inséré un module qu'on appelle le rev matching. Okay, ouais, donc, okay. Qui fait le talon pointe pour toi. La plupart du temps, on est obligé de compenser un peu, même quand ils font ça, parce que c'est plus ou moins efficace. Dans le cas de la Tipper, c'est tout à fait sa coche. Ah, c'est bon. Ça marche super bien. Et je me disais, bon, écoute, je ne suis pas un pilote. Peut-être que, tu sais, il y a des affaires que j'ai faites de pas correctes. J'ai parlé à Philippe. Philippe me disait, écoute, nous, on l'a essayé sur la piste. Et il est tout à fait sur la coche. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça va très, très bien. OK. Donc, c'est un bon coup. Alors, ça, c'est bon. On part. Deuxième série de tours. Là, je suis un peu plus en confiance. Et là, honnêtement, j'ai pu exploiter le véhicule. D'une part, moi, j'avais peur qu'avec une traction, on se retrouve avec tout plein d'effets de couple dans le volant. Ouais, ce qui est normalement le cas, là. Le fameux torque steer qu'on a vu dans plein d'affaires. Mm-hmm. Rappelle-toi les défunts de Mazda 3, Mazda Speed, là, où il fallait que tu tiennes le volant à deux mains pour te retrouver dans le champ en accélérant. Moi, même Focus ST, des choses comme ça, là, il y a un peu. Mais là, il y en a zéro. Okay. Il n'y en a absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il y a deux motifs, en fait. On a, d'une part, utilisé des jambes de force différentes. Donc, il y a deux jambes de force par suspension qui permettent de compenser l'effet. Et la direction électrique, assistée électriquement, a aussi deux moteurs, un de chaque côté. Okay. Ce qui fait qu'il y a toujours une compensation qui se fait. Tu ne le ressens pas et tu n'as aucun effet de couple. Et puis, écoute, je peux te dire là, que dans la journée, on a accéléré. En bout de ligne droite, là, on était à 195-200 km/h dans mes meilleurs tours. Les moins bons, j'étais plus à 170, mais en tout cas. Et jamais on n'a ressenti dans les accélérations cet effet-là qui est vraiment de vouloir nous déplacer littéralement de côté quand on accélère. D'autre part, les freins, je t'en ai parlé. Écoute, quand tu arrives en ligne droite à 190 et tu dois réduire à 125 rapidement, la voiture freinait, écoute, d'une précision incroyable. La direction était très bonne. Et les suspensions absorbent très, très bien tout ce qui est transfert de poids. Donc, tu ne te sens jamais projeté dans un sens ou dans l'autre, comme dans d'autres véhicules de performance. Bref, c'est vraiment une voiture qui est extrêmement bien équilibrée et qui est, ma foi, très, très intéressante en termes de performance pure. Okay. Sur la route, on verra, parce qu'on a vraiment des pneus à profil très, très bas. On a une suspension qui est assez rigide, d'autant qu'on a trois modes, cependant. C'est un mode normal, un mode sport et un mode plus air qui, lui, modifie la réponse de l'accélérateur et tout ça. Alors, évidemment, ça rigidifie aussi les suspensions et là, ça devient compliqué un peu, mais c'est quand même extrêmement intéressant en termes de voiture, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la route. Bon, ce serait peut-être pas une grande routière, ce serait peut-être pas la voiture idéale pour faire Montréal-Toronto, genre. Non, tu vois, par rapport à la Golf R, par exemple, la Golf R sur la piste, elle est le fun, mais beaucoup moins brutale, beaucoup moins radicale que la Type R peut l'être. Ouais. En revanche, sur la route, elle est comme plus passe-partout. C'est ça, la Golf R, c'est vraiment comme, même ceux qui ont essayé la Focus RS disent que la Golf R reste la plus civilisée de toutes. C'est la voiture qu'on peut utiliser plus à tous les jours, tandis que les autres, Ouais, c'est un peu extrême. mais tu vois, moi, ma favorite de toute catégorie, c'est la Focus RS. OK. OK? Mais, comme tu l'as dit, c'est une voiture extrême. Est-ce Ouais. que c'est une voiture avec laquelle je vivrais tous les jours? Je ne suis pas certain. Tu C'est ça. sais, c'est une auto que j'ai adoré conduire sur la piste. Puis oui, sur la route, c'est le fun et tout. Mais avec ma shape horizontalement différente, comme je dis souvent, je suis assez large. Rentrer dans les sièges Recaro de la Focus RS, c'est un petit défi. C'est un peu un défi aussi dans le cas de la Type R, mais beaucoup moins. Ils sont plus larges. C'est quand même des sièges Recaro qui t'offrent un support incroyable. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ce qui est intéressant de la Type R et qui va beaucoup l'aider, c'est qu'elle est tout équipée. Cette auto-là, là, tu as deux options, c'est blanc ou c'est noir. C'est tout. OK, ça c'est pour la couleur extérieure. C'est tout. C'est la seule option que tu peux faire. OK, il n'y a pas d'autre couleur que blanc ou noir. Il n'y a pas d'autre couleur que blanc ou noir au Canada. OK. Il y en a d'autres dans d'autres pays. Il y en aura 1000 au Canada qui vont être vendus à partir du 14 juillet seulement. Et le blanc, ils appellent ça le Championship White, là. C'est le blanc qui était inspiré des voitures de course de Honda des années 60. Ouais, je suis OK? surpris qu'il n'y ait pas de rouge ou quelque chose comme ça, là, Non, mais c'est bon. blanc ou noir. Ce sont OK. les deux seules couleurs. Donc, c'est la seule option. Tout le reste, système de navigation, écran de navigation, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de série. Donc, ton auto, là, elle vaut 40 890 plus transport, plus taxes. OK, Point. mais Tu n'as c'est pas ça. d'autres possibilités. T'as rien d'autre. OK. Alors que si tu vas dans les autres, ben là, tu as les versions STI Tech, ou tu as les CIT Tech, ou tu as les SOT Tech. Fait que là, tu te retrouves avec des autos qui valent 47, 48, 50 000. Ouais, OK. La Type R, c'est 40 890, that's it. OK. C'est quand même bien. Dans ce cas-là, c'est vraiment tout équipé, puis t'as, tu sais. Oui, c'est tout équipé. Non. Alors, ce qui fait que ça fait un véhicule qui est quand même confortable. Écoute, quand je roulais avec Philippe, là, oui, je poussais, mais tu sais, comme je te dis, j'étais pas là pour faire un temps non plus, là. Fait que, tu sais, oui, j'ai poussé, mais tu sais, plus je vieillis, plus je suis peureux, là. Fait que je poussais peut-être un peu moins. Mais on jasait et c'est super bien insonorisé. C'est d'ailleurs probablement son principal défaut, je te dirais. T'entends passer le moteur? Ben, en fait, c'est que le moteur, on a mis trois échappements en arrière. Deux qui sont réels. Celui du milieu sert uniquement comme résonateur. OK. Quand tu es debout au côté puis tu pars le moteur, il y a un beau son. Il est le fun. Quand tu es assis à l'intérieur, tu l'entends très peu. OK. Et ça, c'est la partie regrettable parce qu'effectivement, on aurait aimé avoir un peu plus de oomph à ce niveau-là. Mais bon, si tu veux, c'est ainsi va la vie. C'est très japonais comme façon de faire. OK. Mais pour le reste, écoute, la boîte de vitesse est précise. Le moteur est intéressant. Ça tient vraiment la route. Ça colle à la route, littéralement. Honnêtement, c'est une voiture que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée. Une voiture qui m'a bien impressionné. Et pour compléter là-dessus, comme je te dis, je ne l'ai pas roulé sur la route, mais la route entre Montréal et Mont-Tremblant s'est faite au volant de la Civic SI, Oui. qui, elle, on était les premiers au Canada à conduire la SI, là, qui, elle, m'a aussi beaucoup, beaucoup impressionné. C'est une voiture qui est un très, très bon compromis. On parle d'une auto qui vaut 28 000 $, là. On est quand même à 12 000 $ de différence. Ouais. Elle est pas mal moins puissante, mais c'est une auto qui est vraiment un bon compromis pour quelqu'un qui cherche un peu de sportivité tout en ayant une Honda Civic qui est raisonnable. Honnêtement, la SI, c'est un bon départ, je te dirais, là, pour quelqu'un qui veut ce genre de véhicule-là. Super. Donc ça fait le tour? Ben, ça fait pas mal le tour. Des tours, j'en ai fait toute la journée, je pourrais t'en parler longtemps, mais là, je suis comme arrêté parce que je vais me faire accuser de prendre trop pour Honda. Mais honnêtement, j'avais dit, et je te l'avais dit à toi aussi, il va falloir que la Type R soit solidement impressionnante pour déloger la Focus RS dans mon cœur, je te dirais, là. Et honnêtement, elle n'est pas très loin de l'avoir fait. OK, bon ben super. Donc Marc, on va faire une petite pause puis on va revenir tout de suite avec nos essais de la semaine. Alors nous sommes de retour et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. T'as essayé quelque chose d'assez unique. T'es un des très peu de journalistes qui vont avoir la chance d'essayer cette voiture-là. T'as roulé la Corvette. Oui, la Corvette Grand Sport. Oui. C'est une auto, écoute, comment je pourrais dire? C'est une auto à part. C'est véritablement une auto exotique. Même OK. si c'est une Corvette, même si c'est américain. Elle a vraiment la gueule d'une auto exotique. On va régler tout de suite, là. La grand sport, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement esthétique. OK? On a mis des jupes en carbone, on a mis tout le tour, là, c'est vraiment super aérodynamique. Il y a un gros aileron en arrière. On joue vraiment la carte, là, aérodynamique au bout. Il y a des lignes bleu pâle sur le côté et l'intérieur est entièrement bleu pâle. C'est absolument magnifique. Sérieusement, là, c'est très, très, très, très beau. Pour le reste, ben oui, c'est sûr que dans le cas de la voiture qu'on a essayé, on a mis plein d'options. Il y a pas 40 000 piastres d'options sur l'auto, là, incluant des freins en céramique puis des trucs comme ça. Pour le reste, ça demeure une auto avec le même moteur, qui est la même, en fait, la même motorisation que la Corvette de base. C'est quand même un V8 6,2 litres de 460 chevaux et de 465 livres-pieds de couple, qui est un Atmo, là. C'est vraiment un véhicule qui est agréable. C'est le fun parce que c'est une personnalité, une Corvette. Hein. C'est vraiment dans un monde à part. Et je m'en rends compte depuis quelques jours que je la conduis. Et quand tu t'assois dedans, c'est un autre monde. Ça se conduit différemment. Et on a vraiment poussé la chose au maximum. On a même laissé sur la voiture des pneus de piste. Alors, ce sont littéralement des pneus slick, là, des pneus totalement lisses ou presque. Faut que je fasse attention s'il y a de la pluie parce que ça se peut que je me retrouve de côté. Essaye de pas. Non, j'aimerais mieux pas. Écoute, c'est des 335, 20 pouces, là, 335 de large. Ça commence à être. D'après moi, il rentre quatre pneus de Subaru dans un pneu de Corvette. Ouais. Ça n'a aucun sens. Alors, cette voiture-là a une adhérence au sol qui est spectaculaire. Elle a des accélérations 0-100 4 secondes. Elle est vraiment, vraiment, vraiment unique en son genre. Boîte de vitesse manuelle 7 rapports. Ce qui est assez particulier parce que tu roules à 110 km/h, mettons, là, en septième et tu roules à 1200 tours minute. Alors, tu fais vraiment de la consommation qui est spectaculairement basse. Sur autoroute, là, tu tournes aux alentours de, je sais pas, 8,5, 8,8 Ouais, c'est ce que les litres gens au disaient de 100. la Corvette en partant, comme quoi que sur l'autoroute, là, quand on roule à vitesse constante, là, puis qu'on n'en demande pas trop au moteur, qui était hyper frugal, ce moteur-là, ça C'est consomme presque incroyable. pas, là, pour un V8, là. C'est ça. Et comme je te dis, quand tu as besoin de puissance, écoute, des accélérations, là, première, deuxième, troisième, là, tu sens qu'en arrière, ça pousse, là. Tu sens là, que tu as besoin de te tenir après le volant parce que ça va passer en avant, là. C'est assez spectaculaire. Tu ressens vraiment cette puissance-là. Et c'est une des voitures particulières pour ça. D'un autre côté, elle a une espèce de petit raffinement très particulier dans la manipulation. Elle a une instrumentation aussi intéressante. C'est sûr que là, c'est bleu pâle. Okay? Et quand je te parle de bleu pâle, je suis sérieux, là. C'est vraiment bleu pâle. Et ça se reflète un peu dans le tableau de bord. Pas dans le tableau de bord, mais dans le pare-brise. Et on dirait que ça fait comme une pointe de flèche. Alors, ce qui fait que le reflet bleu t'entraîne à regarder loin devant. Et loin devant, tu as l'affichage tête haute avec ta vitesse. Alors, ça crée vraiment une atmosphère particulière. Pour le reste, ben écoute, c'est une Corvette avec l'équipement, avec l'espace. Le toit s'enlève, là, c'est l'espèce de T-top Targa, là, ultra léger, que tu peux mettre dans le coffre arrière d'une main, littéralement. Ça ne pèse rien. C'est super facile à utiliser. C'est sûr que les sièges, c'est des sièges hyper sportifs avec une position un peu retirée vers l'arrière. Bon, comme je te dis, j'ai plus ma taille de jeune fille depuis longtemps. C'est sûr que c'est un peu moins confortable, mais je te dis pas que pour accéder, pour débarquer, c'est plus graisseux que gracieux. Une fois bien installé, quand j'ai trouvé la bonne position de conduite, je pourrais faire un bon bout, mais n'en demeure pas moins que c'est un véhicule qui est un véhicule conçu pour ce genre de position-là. Tu sais, c'est vraiment le summum de la sportivité, là. C'est dans la Corvette qu'on le trouve. C'est quand même pas trop cher, il faut le dire, là. On parle d'un grand sport coupé comme celui que j'ai essayé, 75 000 $. Ben, Ça. compte tenu que c'est supposé se comparer à, tu sais, peut-être au Lamborghini et Ferrari d'entrée de gamme, c'est presque donné, là. Ben, c'est exactement ça. C'est que vraiment, même avec toutes les options qu'on a mises sur celle-là, on se retrouve avec une auto qui vaut à peu près 110 000 $. On est tout à fait en deçà de ce que les autres proposent pour le même genre de véhicule. Alors, honnêtement, moi, ça m'a beaucoup impressionné. Et j'avais peur de ne pas aimer ça parce que mes souvenirs de Corvette, moi, bon, j'en avais eu, là, quand la Stingray est sortie, Je pense que je t'avais déjà raconté celle-là. Quand la Stingray est sortie, j'avais été invité, entre autres, à assister à une soirée de la F1 au Ritz-Carlton. OK. Et j'avais la Stingray jaune, avec le toit qui s'enlève. Alors, je suis arrivé là, au Ritz-Carlton, avec mon épouse, et on s'est placé devant, et on a enlevé, on a remis le toit avant que les valets partent avec la voiture. Il y avait des paparazzis parce que la soirée de la F1 au Ritz-Carlton, il y a plusieurs vedettes qui sont là. Fait qu'il y avait plein de monde aux côtés du tapis rouge qui prenait des photos. Alors les gens ont pris des photos, des photos, des photos, des photos de nous parce qu'on était là avec la Corvette jaune qui attirait l'attention de façon incroyable. Pendant qu'on faisait ça, il y a une petite auto qui arrive en arrière, une petite Mercedes toute discrète. Et il y a un gars qui sort avec une casquette sur la tête et qui rentre. C'était Lewis Hamilton. Alors les gens ont pris des photos de moi et de ma Corvette plutôt que de Lewis Hamilton. Je pourrais dire qu'une fois dans ma vie, grâce à ma voiture, j'ai upstagé Lewis Hamilton. Ce qui est quand Mais même pas pire. ce qui est quand même pas mal. Mais ça donne une idée à quel point la silhouette de la voiture, et c'est la même aujourd'hui, là, la silhouette de la voiture attire l'œil, attire les regards, attire les gens qui aiment ce genre de véhicule-là. Honnêtement, c'est vraiment spectaculaire. Est-ce que c'est une auto que je m'achèterais? Écoute, c'est un beau jouet, c'est une belle bébelle. Elle est aussi dotée du rev matching qui fonctionne très bien. Est-ce que je l'achèterais? Bah, peut-être pas. Parce que c'est un jouet puis que c'est pas nécessairement mon genre, mais je dois te dire que c'est une belle expérience et j'étais très très heureux d'avoir l'occasion de le faire. C'est une excellente troisième voiture, Ouais, c'est ça. genre ou Exactement. deuxième voiture si tu as vraiment besoin juste d'une voiture, ou c'est une excellente voiture quand tu es rendu à ta retraite et t'as, t'sais, quand tu sors normalement, c'est pour une petite balade, là, t'sais, c'est pas. Ouais, c'est ça. Oui, c'est oui, un véhicule de show-off, là. On va se dire les vraies affaires, là. Bon. C'est un véhicule de show-off. C'est pas ça que Toi, j'allais dire, tu es mais. allé essayer une japonaise allemande? Ouais, une japonaise allemande, c'est moi, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Oui, je suis au volant cette semaine de l'Infiniti QX30. Oui, on a parlé déjà, ça partage la plateforme d'une Mercedes. La Mercedes, c'est quoi? C'est le GLA. GLA, qui est le petit camion. Puis c'est drôle, hier, j'allais au travail, puis j'ai croisé un GLA qui m'a dépassé. J'ai dit, tu le sais peut-être pas, mais on partage quelque chose ce matin. Véhicule qui, bon, a trois modèles, le QX30, le QX30 Sport et le QX30 All-Wheel Drive. Le QX30, c'est celui c'est pas celui que j'ai. Moi, j'ai le QX30 All-Wheel Drive et 38 490 $. Le QX30 de base, 35 990 $. Et le QX30 Sport, 46 490 $. Premièrement, j'adore le look du véhicule. Je l'avais au bureau. Puis il y a des gens qui m'ont dit « Ah, qu'est-ce que tu conduis? » C'est bien rare que le monde vienne me voir et dit « Ah, qu'est-ce que tu conduis cette semaine? » Puis là, c'était comme « Ah, c'est quoi que tu conduis cette semaine? » Je dis « Ben, c'est un Infiniti QX30. »« Ah, il est vraiment beau. » Là, je suis arrivé chez nous pour aller chercher mon fils au camp de jour parce que c'est le temps des camps de jour. Puis nous autres, le camp de jour, c'est à la plage, fait que c'est du sable pour se rendre et tout ça. C'est un petit peu c'est hors des sentiers battus. Fait que j'arrive à la maison vite vite pour laisser mes affaires du bureau puis aller chez mon fils. Ma belle-sœur sort de chez mes beaux-parents. Tu dis, ah, c'est quoi ce conduit cette semaine? C'est donc bien beau. J'ai dit, c'est un Infiniti QX30. Puis j'arrive à la plage pour aller chercher mon gars. Puis là, mon gars me regardait comme avec un air bizarre jusqu'à temps que je sorte de l'auto parce qu'il savait pas c'est moi. Il dit, c'est quoi cette voiture? J'ai dit, c'est un Infiniti QX30. Fait que j'ai passé mon temps à dire à tout le monde cette semaine que c'était un Infiniti QX30. Donc, ça attire Je les t'avoue que je suis regards. un peu étonné. Je vais être franc avec toi, je suis un peu étonné parce que c'est vraiment. C'est cute là, mais c'est pas au point de tourner de faire tourner la tête. Ben pourtant, dans mes alentours à moi, c'est un véhicule qui a beaucoup attiré l'attention. Les gens l'ont trouvé très joli. C'est peut-être son look agressif, c'est peut-être pas. Tu sais, toi, t'en vois tout plein, Marc. C'est normal. Tu sais, en tant que journaliste, un peu moins moi que toi puis d'autres, parce que vous voyez plus de choses. Vous êtes invité à beaucoup d'événements et tout ça. Vous voyez des véhicules qui sont peut-être plus exotiques que ça. Mais pour les gens qui sont pas habitués de voir un petit VUS avec un look qui sort un peu de l'ordinaire, quand même assez C'est agressif, vrai. ça attire l'œil. Donc, il y a C'est vrai, beaucoup de t'as gens qui raison. l'ont Là-dessus, aimé. c'est assez agressif. Ouais. Fait que moi, j'ai trouvé le design extérieur très joli. C'est à l'intérieur que ça se gâte juste un petit peu. Puis c'est pas beaucoup. Je veux pas dire que c'est pas bien fini. C'est très bien fini. Le système de divertissement est bon. J'ai un système de divertissement Bose, si je me rappelle bien, dedans. Ça sonne très bien, tout ça. L'écran tactile fonctionne très bien. Je veux dire, c'est une voiture qui, à l'intérieur, on est confortable. J'ai un grand toit panoramique qui est pas ouvrant, mais qui est un grand toit panoramique. C'est joli. Là où ça. J'ai resté surpris quand on m'a donné la clé quand je l'ai ramassée, puis j'avais une clé. Pas un bouton démarrage, une clé. Je m'attendais pas que dans un Infiniti, qui est le, tu sais, le début du vrai haut de gamme de Nissan, qu'on pouvait encore avoir une clé. Dans le bas de gamme de chez Nissan ou dans les petites voitures comme la Micra, la Sentra, je m'attends à ce que, oui, j'aie une clé, mais je m'attendais que dans un Infiniti, j'aie un bouton de démarrage. J'ai juste trouvé ça bizarre d'avoir une clé, tu sais. T'es rendu snob? Non, mais je m'attendais à ça. Regarde, c'est correct, mais je m'attendais à avoir un bouton de démarrage. Je veux dire, je pense qu'on est rendu là dans beaucoup de voitures. Mais bon, peut-être dans la prochaine génération, ils vont s'en aller avec des boutons de démarrage. L'autre chose, tu l'as essayé, le QX30, le levier pour mettre le régulateur de vitesse. On le voit pas. Il est placé en bas de celui pour les essuie-glaces puis les clignotants. Et il est trop court, il dépasse pas le volant. Fait que quand t'es assis pis t'as le volant dans les mains, tu te demandes, tu sais qu'il y a un levier là parce que tu l'as, tu sais, il est comme, si tu bouges ta main, tu frappes la main dessus, mais t'as aucune manière de savoir qu'est-ce qu'il fait si t'arrêtes pas pour regarder. Faut vraiment que tu tournes la tête puis que tu regardes en arrière du volant pour voir que le levier est là, puis deux, qu'est-ce qu'il fait ce levier-là, tu sais. C'est sûr, quand t'as acheté la voiture est à toi, ou la première fois que tu le sais, que t'as regardé, mais après ça, tu le sais c'est quoi ce petit levier-là, mais tu sais, tu peux pas le savoir sans regarder. Normalement, on l'installe à droite, puis tu sais, il est à la même hauteur que celui pour les essuie-glaces, fait qu'on le voit. Ou il est à droite, mais un peu plus bas, mais lui, il est à gauche avec l'autre juste en dessous, puis il est vraiment court, fait qu'on le voit pas du tout. Puis l'autre chose qui m'agace un peu, c'est les petits boutons de barreur de porte. Normalement, dans les voitures modernes, à ce que je vois, puis même dans certaines voitures un peu plus vieilles, quand tu barres la porte, quand tu avances avec l'auto, tu commences à rouler, à un moment donné, les barreurs de porte, les portes se barrent automatiquement et le petit bouton de barreur de porte descend presque égal au plastique de ta porte. Donc, si tu t'accotes, ben t'as pas le petit bouton qui te rentre dans le bras. Ceux-là dépassent encore, même quand on barre la porte, puis dépassent de quand même pas mal, là. Puis le bouton est pas super joli non plus. Tu sais, c'est pas un beau petit bouton tout fini, avec un fini lisse. Tu sais, comme on est habitué, des fois, ils sont soit avec du faux aluminium dessus, mais c'est vraiment lisse. Tu passes ton doigt dessus, puis c'est vraiment... C'est un cylindre qui est complètement lisse, là. Lui, il est hachuré. Il y a comme des morceaux de plastique qui ressortent tout le tour. C'est pas joli. C'est juste pas joli. C'est vraiment les seules choses qui m'ont agacé. Pour le reste, je veux dire, c'est un véhicule qui est confortable. Il répond bien aux accélérations. C'est pas super puissant, ça. Ben non, mais c'est quand même bien, là. Je veux dire, c'est pas ce qu'on dit vache, là. C'est quand même bien. On peut jouer avec les palettes au volant pour se faire un petit peu plus de plaisir. C'est un petit 4 cylindres turbo de 2 litres qui développe 208 chevaux. On a une transmission à 7 vitesses. C'est le même moteur que la Mercedes Classe B, que la GLE, là. Ouais, c'est ça. C'est le même moteur. C'est bien. C'est moi, j'ai trouvé que c'était confortable. J'ai eu beaucoup de plaisir à le conduire, là. Je me plains pas de la tenue de route ou du confort ou tout ça. Tout ça, c'est vraiment bien. Même la consommation d'essence. Nissan parle de 9.7 en ville, 7.1 sur route. Puis j'ai une consommation mixte, là, d'à peu près 8 présentement, là, avec le trafic et tout ça, un peu d'autoroute. Puis fait que, ce qui est très bon, hein. ce qui est quand même bien. C'est quand même assez spacieux, tu sais. Fait qu'il y a, pour moi, c'est un beau véhicule. Il y a juste des petites choses que je modifierais pour le, tu sais, lui donner vraiment le panache que ce véhicule-là devrait avoir, là, tu sais. Moi, tu vois, ce qui m'a dérangé beaucoup, en fait, c'est l'absence d'insonorisation. Je trouvais que c'était un véhicule qui était bruyant en roulement. OK. J'ai pas vraiment remarqué, mais arrête de t'écouter parler quand tu roules aussi. Ben, c'est vrai, je mets toujours le podcast en boucle, hein, j'aime ça entendre ma voix. Je coupe tout ce que tu dis, puis je fais juste m'entendre moi, tu sais. Je te pose une question, j'entends pas la réponse, mais je me réentends après ça, parce que j'aime tellement ça. Tu fais des best-of de luxe. Ouais, des best-of de luxe, qui est tout, finalement, tu sais, ce qui est tout ce que j'ai jamais enregistré, c'est un best. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais j'écoute beaucoup de podcasts ou de livres audio dans l'auto, fait que j'ai toujours quelque chose qui joue. Des fois, je vais mettre tout à off pour voir vraiment comment c'est insonorisé. Mais tu sais, la majorité des gens vont rouler la voiture avec de la musique, des choses comme ça. Mais ça m'a pas dérangé. Mais encore là, tu sais, tu roules tellement de choses, des fois plus haut de gamme, qu'à un moment donné, tu le sais que, bon, peut-être, tu sais, dans la version Mercedes, c'est peut-être beaucoup plus insonorisé. Peut-être oui, mais pas, au-delà de ça, il faut se rappeler que c'est quand même... c'est un Infiniti, là. Oui, oui. C'est une auto de luxe. Oui, C'est ça. Tu sais, c'est pas. On s'entend pour dire que c'est pas une entrée de gamme, là. Non, C'est non, une auto de luxe. c'est ben, d'où le fait que les petites barrures de porte, c'est peut-être l'air insignifiant, mais pour moi, ça m'agace. Parce que même maintenant, des fois, il n'y en a même plus de petits boutons de porte, c'est une petite lumière ou c'est vraiment tout petit. Là, c'est vraiment, ça sort de beaucoup, puis c'est pas joli à regarder. Puis j'ai de la misère avec. Oui, je suis peut-être que je suis gâté. Pourtant, quand je conduis mon Ford Escape 2010, j'ai une clé dans mes poches tout le temps, mais je m'attendais que pour un Infiniti, j'aurais le bouton de démarrage. Parce que, comme tu dis, c'est un véhicule haut de gamme. On est dans le. T'sais, on n'est pas chez Nissan où ils ont du plus bas de gamme, puis on monte vers le plus haut de gamme avec les versions plus équipées. On est dans l'Infiniti. On devrait commencer avec déjà un bel équipement, puis monter vers du stock qui n'est pas disponible nécessairement dans un, t'sais, dans un Nissan normal, des choses comme ça. Mais t'sais, c'est des petites choses. Pour le reste, c'est un bon véhicule, c'est un beau véhicule. Si c'est un véhicule que vous regardiez, je pense pas que c'est des raisons de ne pas aller vous le chercher si c'est votre coup de cœur. T'sais, Non, mais pour effectivement, moi, je c'est des comprends. petites choses qui font juste t'sais, déranger un peu. Mais t'sais, on a une caméra de recul, on a déjà du cuir dans la version de base. T'sais, ça, c'est bien. Mais t'sais, juste des petites choses, là. T'sais, même des sièges mémoire, on peut programmer la position du siège, puis tout ça. Là, on a plusieurs Ouais, mais programmations. ça, c'est quoi T'sais. ça? Ça, c'est une Ford Focus, là. Ouais, mais Ça, t'sais, quand même, on a quand c'est. même ça de base là, sur ce modèle-là. Fait que c'est quand même bien, des petites choses. Ouais. Donc, Marc, on va faire une petite pause, puis on va Oui. revenir avec notre dernier bloc, le bloc nouvelle. De toute beauté. Alors, nous sommes de retour, Marc, pour notre dernier bloc cette semaine. Émission un peu écourtée parce qu'on a parlé de la Corvette que tu conduisais cette semaine. Tu dois retourner la Corvette pour une heure précise aujourd'hui, donc, puis d'heure précise arrive bientôt. Donc, on va finir avec notre bloc nouvelle, puis on va avoir une émission un peu plus écourtée cette semaine. T'as quoi pour nous comme nouvelle? En fait, pas mal de nouvelles, dont une qui va certainement te faire plaisir. Toi, fan de Mustang comme c'est plus possible. Ben, ouais. Non, non, arrête, tu t'es fait tatouer de Mustang sur le bras, là. C'est vrai, Arrête. c'est vrai, mais j'ai déjà eu une Mustang aussi. Mais tu sais, des fois dans la vie, on passe à autre chose. Là, mais Oui, non, j'aime mais. encore la Mustang. Est-ce que je m'achèterais une Mustang? C'est présentement pas dans mes besoins. Attends, il y a une différence entre la réalité, genre mon budget et ma réalité quotidienne, et est-ce que je m'en achèterais une? Moi, je m'achèterais un Mercedes Classe G. Est-ce que j'ai les moyens? Certainement pas. Est-ce que je vais le faire un jour? Probablement pas. Mais c'est quand même le truck que j'aime le plus au monde. T'sais. Ok, ouais, c'est un fait. Fait que c'est dans ce sens-là que je te dis, je sais que tu as un tripeux de Mustang et que de toute façon, ton bureau est décoré de tout ce qui peut exister de Mustang. Pareil. À peu près. Ceci étant dit, comme tu sais, l'année passée, on avait mis sur les Mustangs le fameux système Line Lock. Le Line Lock, c'est un simple bouton qui te permettait de faire des burns au départ. Ouais. Tu sais, vraiment de faire tourner les roues arrière, faire un show de boucan, Un là, show de ça boucan à c'était. burn-out, là, t'as C'est passé un ça. set de pneus en un après-midi. Et maintenant, ça va être disponible sur les versions EcoBoost, mon cher. Ben oui, parce que éco, on veut sauver la planète, Bien sûr. mais brûler des Alors, pneus, ça. Bon, ça va maintenant être disponible sur les versions EcoBoost et tu as un nouvel affichage, tu as un nouvel écran un peu plus grand. Si tu as l'écran un peu plus grand, tu auras même une petite animation qui va te montrer ton RPM, à quel niveau ton RPM se situe, et tu vas voir ta roue qui va tourner, tourner, tourner, et plus elle tourne, plus elle s'entoure de fumée. Ok, ouais, C'est j'ai vu totalement l'animation. inutile. Ouais. C'est totalement inutile, c'est une somptueuse bébelle, mais pour les amateurs de Mustang qui aiment la performance, qui aiment ce côté un peu démesuré de la Mustang, ça fait partie des plaisirs de la vie et ça, c'en est un. Donc, vous aurez l'occasion maintenant de brûler des pneus tout en sachant que vous sauvez la planète avec un EcoBoost. C'est ça, c'est on compense. Autre nouvelle, toujours chez Ford cependant, une drôle de nouvelle cette semaine. Ford a décidé de stopper la production de la Focus pour une durée d'un an. Ben oui, parce qu'on déménage. Ouais, effectivement. Donc, ils vont déplacer, avant que ce n'est pas de suite, là, on parle de mi-2018, là. Donc, il reste encore une année complète. Mais on veut déménager la production en Chine. Parce qu'au départ, tu te rappelles de toute la saga où on devait déménager ça au Mexique, construire une usine, Donald Trump a pété une coche. Ford avait décidé d'utiliser une usine existante au Mexique pour ramener là ses Fiesta et Focus. Finalement, ils ont décidé que ce serait en Chine que ça va se faire. Et à partir de là, ben, il faut à un moment donné déménager de Wayne au Michigan jusqu'en Chine. Et c'est là qu'on va arrêter la production pendant à peu près un an, dit-on. Je comprends pas pourquoi qu'on peut pas garder. Ils vont déménager vraiment tout le système d'assemblage et toutes les machines et tout ça, j'imagine, Tout c'est pour parce ça. que il faut savoir que l'usine de Wayne au Michigan, elle, va être complètement transformée parce que c'est là qu'on va assembler le Ford Ranger et le nouveau Bronco. Ouais. OK. Donc, Donc, OK. on a besoin de l'usine, on ne veut pas reconstruire. Selon les dirigeants de Ford, ça permet d'économiser à peu près 1 milliard de dollars. Ouais, puis il y a une raison pour laquelle on veut pas construire le Bronco puis le Ranger en dehors des États-Unis à cause de la superbe chicken tax. Parce que si Exactement. tu construis le Ranger en dehors des États-Unis puis tu l'importes aux États-Unis, faut que tu payes une taxe. Fait Exactement. qu'on veut le Et construire sur le terrain. ben, tu sais, avant qu'il aurait pu faire comme ils font avec le transit, là. Bon, ouais. Le Transit Connect est construit en Turquie. Ouais. Il l'amène aux États-Unis. Il le démonte et l'adapte pour le marché américain. Il le réassemble et il le vend sans payer la taxe. Ah, OK. On a trouvé un C'est un trou peu dans le règlement. n'importe quoi. En tout cas, OK. bref, donc on va donc stopper la Focus pendant un an, ce qui est surprenant, mais honnêtement, pas tant que ça, parce qu'il faut se rappeler qu'en même temps, on vendra l'EcoSport. Ouais. L'EcoSport qui est finalement une Fiesta Focus haute sur pattes, là. Ouais, Tu sais? ouais, c'est ça. Fait qu'on pense que l'EcoSport va être capable de combler les besoins, d'autant que, bon, la Focus se vend quand même bien chez nous, mais elle se vend beaucoup moins bien aux États-Unis. Tu vois, il s'est vendu 16 600 Focus chez nous l'an passé. Elle se vend beaucoup moins bien aux États-Unis notamment. Donc, je pense que c'est pas si dramatique que ça pour nos amis de chez Ford. Ouais, pour un an, ils vont survivre, Effectivement. là. Dans la série de on va essayer de faire plaisir à M. Trump, BMW a annoncé aussi cette semaine qu'ils étaient pour investir, pour créer 1 000 emplois dans leur usine de Caroline du Sud. Tu te rappelleras que Donald Trump avait pété une fuse en disant il faut que les voitures vendues chez nous soient construites chez nous. Bon, c'est son espèce de discours protectionniste traditionnel, là. Non, Et donc, il avait particulièrement ciblé BMW qui avait répondu écoute, mon homme, de toute façon, nous autres, la plupart de nos véhicules vendus aux États-Unis sont déjà fabriqués là. Fait que bon, on s'en sacre un peu. Mais ils ont décidé finalement que d'ici 2021, ils agrandiraient l'usine de Caroline. L'idée, c'est que c'est là qu'on fait, entre autres, les produits comme les X3, X4, X5, X6 et bientôt le X7. OK, donc toutes les petits VUS, là, toutes les VUS de chez BMW. Exactement. Tous les VUS de BMW sont assemblés là. Donc, c'est quelque chose qui est assez quand même important parce que ça va permettre de fabriquer ça et on va exporter 70% de la production. OK. Donc, ça va quand même être important parce que ça va donner une balance commerciale positive aux États-Unis et M. Donald, tonton Donald va être content. Ben, je suis pas sûr que tonton Donald est capable d'être content. Il va peut-être être moins juste Bon, moins il va bête. chialer. Tu sais, juste un petit peu moins bête. Ouais, il va chialer pareil, là. Ouais, mais il va mais chialer sur d'autres choses. c'est ça, Il exactement. va se trouver un autre cible. Il va Oh, probablement de toute façon, crier après Ford qui s'en va en Chine, mais bon. Il va tweeter quelque chose, là, puis ça ne marchera pas. En tout Ben, c'est ça. Tout est quelque chose qui n'a pas d'allure. cas. Exactement. Ouais. Dans la série des voitures américaines, faisant plaisir à tonton Donald, Dodge nous a annoncé cette semaine une nouvelle Challenger. Ben, nouvelle, rien qu'un peu, par exemple. En fait, c'est la Hellcat Ouais. qu'on va offrir en version wide body. Ah, OK, ouais. Donc, littéralement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le design de la Dodge Demon Ouais. et on l'a appliqué à la Hellcat. Donc, on aura un véhicule qui est beaucoup plus large, qui aura des arches de roues beaucoup plus larges, beaucoup plus imposantes, des nouveaux fenders, des trucs comme ça. Et on va pouvoir, à ce moment-là, élargir aussi les pneus et les roues. On parle donc de ce qu'on appelle les Devil's Rim, les jambes du diable, qui vont être là avec du 20 pouces, 305 de large. Donc, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va améliorer considérablement ben, considérablement, c'est relatif, là, mais ça va améliorer la grippe, l'adhérence au sol, et ça va permettre à cette Hellcat de devenir encore plus rapide qu'elle ne l'était auparavant. On estime, par exemple, que ça va éliminer un dixième de seconde au 0-100, Ouh, quand même. c'est quand même, Ça hein? fait un 0-100 en 3,4. Ouais. ce qui est 0,6 de plus vite que la Corvette que je Ouais. conduis actuellement, Ouais. quand même. Ouais. Et ils ont fait un test sur un circuit qui faisait 2,7 km et ils ont sauvé 2 secondes. OK. Mais c'est quand Ce même qui pas est quand super. même pas rien non plus, là. Bon, T'sais. ouais. Donc, c'est évidemment, encore une fois, là, dans la poussée des véhicules extrêmes de Dodge, comme je te dis, ce n'est pas la motorisation de la démon, mais c'est quand même quelque chose d'impressionnant et d'intéressant pour eux autres. Y Enfin, une a-tu, dernière petite y a, nouvelle. question de même, y a-tu juste Dodge qui se compétitionne eux-mêmes dans ce créneau-là? Parce que, tu sais, oui, Ford a la Shelby, puis Chevrolet a la Camaro Ouais, ZL1, ou... ZL1. Mais est-ce que c'est pas si extrême que ça? Y a-tu vraiment juste Chrysler Dodge qui Ouais, joue ben dans pour le ce... moment, oui, mais les autres sont pas loin. Mais en même temps, regarde, justement, la prochaine dont je vais te parler, ça va te donner l'idée qu'il n'y a pas juste les Américains là-dedans. Ouais. La Jaguar, Ouais. ils viennent de dévoiler la XESV Projet 8. Ils vont en faire juste 300, tu vas me dire, non? Avec Mais ça, on c'est parle d'un. la nouvelle petite berline. Oui, c'est la nouvelle petite berline, OK. mais on parle d'un 0-100 3,3 secondes. Ouch. Vitesse maximale 300 km/h sur un circuit, évidemment. V8, 5 litres, 592 chevaux, 515 livres-pieds de couple. C'est la Jaguar la plus rapide de tous les temps. Évidemment, boîte automatique, quick shift, 8 rapports. Donc, on est là, là. Tu sais, c'est complètement fou, là. Ça a comme plus de bon sens. Comme je te dis, c'est limité en termes De de quantité, là. quantité, mais n'empêche que c'est fait pour ça et ça va être. On parle d'une XE qui est la version d'entrée de gamme. Ouais. Fait que comme tu vois, on est encore dans le monde de la puissance. On est vraiment là-dedans pour tous les manufacturiers, je te dirais. Fait que je pense que c'est une tendance assez lourde. Bien sûr, on parle beaucoup des véhicules électriques et on a des magnifiques plans comme celui du ministre Arcan cette semaine pour nous aider à atteindre notre objectif d'avoir 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec en 2020. Ça va être Mais difficile. bon, ben c'est carrément ridicule, là. Ouais. Ouais. Moi aussi, je suis capable de faire des prières à genoux, là, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. En tout cas, fait que, ceci étant dit, sincèrement, l'industrie automobile est encore dans la performance, surtout d'abord et avant tout. Et je pense qu'on le prouve encore avec Jaguar. On le prouve avec le Challenger. On le prouve avec la Corvette qui est disponible. On le prouve avec les Camaros qui n'en finissent plus de grossir. Alors, je pense qu'on est là-dedans pas mal, là. Moi, à un moment donné, on va avoir des versions extrêmes d'à peu près tout. À un moment donné, GM puis Ford vont se réveiller, vont dire, regardez notre L4 ou notre démon, notre tueur de démons, quelque chose de même. Ils vont sortir quelque Mais chose. que tu arrives avec une Toyota Yaris de 600 chevaux, tu me le diras. Ah, ce serait. Ben quoi? On pourrait essayer de monter un V8 dans une Yaris ou dans une Miata. Il y en a qui l'ont déjà fait. Dans une Miata, ouais, il y a une MX-5, une Miata qui roule, je C'est pense, ça. aux États-Unis avec un V8 supercharged dedans. Là. Ça a C'est l'air que ça. c'est malade, là, Effectivement. mais c'est ça. Mais bon, Ouais. je suis pas sûr que je la conduirais. Non, Ceci ou étant dit, peut-être mon pas cher, ça longtemps. fait pas mal le tour de mes actualités pour cette semaine, mon cher. Super. Donc, Marc, si les gens veulent te rejoindre, parce qu'on va terminer là-dessus, comment font-ils cela? Ben, la meilleure façon, c'est en passant par mon blog, marcbouchard.ca. Vous pourrez d'ailleurs voir là les photos et l'essai de la Civic Type R dont on a parlé plus tôt, ainsi que d'autres choses. Mais surtout, vous allez pouvoir trouver tous les liens pour mon compte Instagram, mon compte Facebook et mon compte Twitter que vous pouvez rejoindre directement à Marc souligné Bouchard. C'est la méthode la plus facile. Super. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse courriel qui est info@saroulradio.com. Ça roule radio sur Twitter, ça roule radio sur Facebook et moi sur Twitter, c'est @scalazormo. Puis ça fait pas mal le tour. Et aussi saroulradio.com si vous voulez aller voir les émissions et nous télécharger. On est disponible sur Twitter, sur iTunes, sur Google Play. J'allais dire sur Twitter. Twitter distribue pas encore de podcast. On est aussi, vous pouvez nous écouter en direct, ben en direct, diffusé sur Radio H2O et sportradio.ca. Donc, Finalement, on est partout, là. ben on commence à être pas mal partout. Ouais. Un jour, ça va être dur de nous éviter. Donc, Tu peux bien te Marc. prendre pour Dieu, Non, non, quand même pas. J'ai là. pas ce complexe-là encore. Donc, Marc, merci encore une fois d'avoir fait cette émission avec moi cette semaine. Amuse-toi bien et retourne ta Corvette dans les prochaines minutes. Puis on dit à nos auditeurs, ben, à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye.